Je joue chaque jour chez Jean. J'ai mal à la jambe et au genou. Le juge juge les jeunes gens. J'ai fait du judo toute la journée.